Arc-en-Ciel, il est 15h. On vous souhaite un très bon après-midi. À tous, Valérie au micro. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre à la co-animation, à la technique, comme chaque mercredi. Comment vas-tu, Jean-Pierre ? Eh bien, écoute, je suis en train de régler mes petits boutons, tu le vois. Eh bien, je vois ça. Pour te faire une voix de déesse antique. Merci. Alors, bonne année, ma petite Valérie, bonne année. Tous mes meilleurs voeux à toi, Jean-Pierre, à tout le monde. Nous vous souhaitons une belle année musicale sur Arc-en-Ciel, que vos émissions préférées donc vous procurent beaucoup de joie au cœur et de la lumière dans vos yeux. Et c'est la Compagnie Créole qui ouvre notre page musicale 2020 en vous souhaitant, à leur façon, la meilleure année possible. Bonne année, Valérie. Bonne année, tout le monde. Santé, bonheur, oui en effet, nous vous souhaitons également, comme ces jeunes du groupe Kids United, tout le bonheur du monde, que votre soleil intérieur rayonne d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Nous avons une pensée pour ceux qui ont l'âme en peine en ce début d'année. Alors nous vous envoyons des bisous de courage, l'arc-en-ciel reviendra bientôt dans votre vie. Sur Terre, nous sommes actuellement plus de 7 milliards d'individus. Donc il m'arrive d'imaginer que si nos cœurs rayonnaient d'amour, nous pourrions peut-être vivre en paix en respectant son prochain. Partout des yeux se lèvent. Et partout les mêmes gestes accompagnent chaque jour le soleil de l'est à l'ouest. Si ta main calme la mienne, si ma main sème le grain, l'amour est en chemin. 7 milliards de gens sur terre qui se cherchent une lumière. 7 milliards de gens sur terre qui s'aimeront demain. Si tu plantes un nouvel arbre pour celui, si tu t'assois à la table où l'on parle de la paix. Si tu donnes ta confiance, si tu peux encore prier, l'amour est en chemin. 7 milliards de gens sur terre qui se cherchent une prière. 7 milliards de gens sur terre qui s'aimeront demain. Si tu marches vers l'étoile qui éclaire le matin, si tu refuses de croire que la faute est au voisin, si tu sais penser à l'autre, si l'autre te le rend bien, l'amour. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée, comme le pensait Platon. Eh bien, cette chanson des Stentor en est un bel exemple. Tu ne trouves pas, Jean-Pierre ? Absolument. Alors, la seule chose que nous... Tu pars fort, Valérie. La seule chose que nous vous assurons pour 2020, c'est que nous allons tous ensemble respirer musique. Ce sera notre lien entre vous et nous. Et si c'est Calogero à la guitare et au chant, alors là, je vous promets que la musique deviendra un arc-en-ciel. De la musique et de l'amour. Ça vient de je ne sais où, c'est comme un compteur dans ma tête. Ça me prend, ça me rend fou, c'est comme un pick-up dans ma tête. Je ne pense qu'à ça, 4, 3, 2, 1, je joue. Un conseil de Clo-Clo maintenant pour les jours plus sombres, les jours plus difficiles. Dansez de la manière dont vous pouvez, mais dansez surtout quand la tristesse vous envahit. Dansez, dansez jusqu'à l'oubli. Et je rajouterai même, dansez et chantez, car comme l'écrit si bien Didier Barbelivien, les gens qui chantent s'envolent avec la musique. Les jours où la vie n'est plus qu'une triste mélodie. Les soirs d'absence, les soirs de malchance, je sors dans la ville et puis je danse. Je danse quand j'ai de la peine. Je danse les jours de déveine. Je danse quand je n'ai personne. Je danse quand tu m'abandonnes. Comme un bateau en détresse. Je danse les soirs de tristesse. Je danse jusqu'à la folie. Je danse et j'oublie. Les soirs d'hiver, les soirs de travers, les soirs où j'ai le cœur à l'envers. Les nuits sans lune, les nuits d'infortune, je danse pour oublier le silence. Je danse quand j'ai de la peine. Je danse les jours de déveine. Je danse quand je n'ai personne. Je danse quand tu m'abandonnes. Comme un bateau en détresse. Je danse les soirs de tristesse. Je danse jusqu'à la folie. Je danse et j'oublie. Où tu reviendras, fini cette vie, fini la pluie. Tu entreras et tu me parleras, et puis dans mes bras tu tourneras. Tu danses au cœur de ma peine. Toi si lointaine, c'est toi, la danse est le même. Tu danses et je t'aime. Je danse et je t'aime. Oui, je danse et j'ai tant de peine. Je danse car je n'ai personne. Je danse car tu m'abandonnes. Comme un bateau en détresse. Je danse les soirs de tristesse. Leur voix venue du cœur, c'est leur façon. Ils aiment l'automne, John Lennon et Mozart, les nuits d'alcool et les matins brouillards, les mots qui sonnent dans le bleu des guitares. Les gens qui chantent s'envolent avec la musique. Les gens qui chantent au-dessus de l'Atlantique. Les gens qui chantent le plus souvent pacifique font des rêves d'amour à deux. Les gens qui chantent s'envolent avec. De messages de meilleurs vœux, écoutons cette sublime chanson interprétée par Angoud et Natacha Saint-Pierre. Si nous décidions tous de vivre d'amour. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné légèrement. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, notre douce fournaise. En ton foyer, je fixe mon séjour. Dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. Chaque instant tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix et la joie dans mes cœurs. Pilote aimé, la charité me presse, car je te vois dans les âmes mes sœurs. La charité, voilà ma seule étoile. À sa clarté, je vogue sans détour. J'ai ma devise écrite sur ma voile. Vivre d'amour. Vivre d'amour, quelle étrange folie. Dit le monde, cessez de chanter. Ne perdez pas vos parfums, votre vie. Et dit le monde, sachez les employer. Des amants, il faut la solitude. À cœur qui dure nuit et jour, ton seul regard fait ma béatitude. Je meurs d'amour, mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser mes liens, mon Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. Embrasé, je veux le voir, m'unir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée. Vivre d'amour. Voilà pour cette magnifique chanson, hein, et même cet album. Hein, écoutez cet album, vraiment ça vaut le coup. Bien, Grégoire a mis en musique quelques poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux, magnifiquement interprétés, surtout par Natacha Saint-Pierre et Angoun. Mais il y en a aussi quelques autres artistes qui l'interprètent. Alors Jean-Pierre, tu trouves pas que cette chanson, elle est quand même bien love? Ah ben oui, l'amour, Valérie. Eh ben écoute, je te propose moi l'amour chanté par Aurélie Jeff. Alors ça va de l'émotion pure à des moments douloureux, comme on en traverse tous, une simple petite histoire d'amour même, qui reste gravée dans la mémoire, puis on écoutera Barbara Secours, qui elle aussi chante l'amour, mais d'une façon beaucoup plus punchy, et avec en prime une petite pointe d'humour. Un peu de toi, c'est le titre. Valérie, place aux petites québécoises. Mais Et pour te conquérir, j'exaucerai tes désirs. Oh, oh, oui. Mais en retour, donne-moi, donne-moi, donne-moi un peu de toi pour pouvoir te séduire. Je porterai du cuir. Ooh. Mais en retour, donne-moi, donne-moi, donne-moi un peu de toi. L'amour, selon Aurélie Jeff, plutôt romantique, et puis l'amour de Barbara Secours, un petit peu plus réel, hein, on va dire. Un peu plus les pieds sur terre, Valérie. Eh oui, avec un peu de toi, et bien maintenant je vous propose de donner un peu de nous. Alors, pour la protection de notre planète, il est plus qu'urgent, hein, pour cela. Adoptons les bons gestes au quotidien. Nous avons tous une part de responsabilité sur ce qui arrive en ce moment. La planète ne peut plus attendre. Donc, c'est notre planète, notre Terre, comme le chante si bien Christophe Maé. Facilement d'où l'on vient, d'où l'on part. Ça nous arrange de perdre de temps en temps la mémoire. Quand il y a danger, on regarde son voisin. C'est bizarre, sans voir qu'on l'a peut-être laissé trop longtemps à l'écart. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre. Je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas, c'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. On alimente nos peurs quand détournant nos regards de nos belles valeurs qui ne seraient pourtant qu'un devoir. Et si l'on apprenait à se prendre la main, à se voir autrement que des inconnus qui ne font rien des histoires. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre. Je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas, c'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas, ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. Je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois. C'est mes frères autour de moi, mes repères

je sais dire pourquoi. Encore un combat, longtemps même, avant même d'y croire, d'y croire. Je donne un sourire sans savoir où ça le mène. Tu peux consoler pour qu'il me revienne. Je donne un sourire et soudain on a le même. Le temps d'essayer et tout vaut la peine. Donner un sourire et la terre devient l'aider. Le temps d'oublier si ça vaut la peine, ça vaut la peine. Je donne un sourire sans savoir où ça le mène. S'il peut consoler pour qu'il me revienne. Je donne un sourire et soudain on a le même. Le temps d'essayer et tout vaut la peine, tout vaut la peine. La terre devient l'Éden. Jean-Pierre, je te propose de visiter un petit peu de nouveau le Québec. Tu vas nous proposer des petites nouveautés. Et tu sais que c'est une bonne idée, ça. Alors, on va voir si leur sourire il est aussi beau que le nôtre. Ah oui, je pense. Écoute, on poursuit donc, on commence cette petite séquence avec une mélodie assez nostalgique et quand même très accrocheuse. Je suis loin est le titre chanté par Claude Cormier avec une très belle touche irlandaise dans les arrangements. C'est vraiment très sympathique. Et on enchaînera avec une jolie chanson chantée par Cynthia Harvey, pleine de délicatesse, reprise du célèbre succès de Julien Clerc, Fais-moi une place. Je suis parti pour refaire ma vie. C'est encore difficile par moment. Quitter ma terre, toutes mes amies. Bien sûr, je voulais faire autrement. J'ai surmonté toutes mes tempêtes. Quand le mal du pays me rend dedans, toutes mes souvenirs me passent en tête. Quand je regarde vers l'horizon, je suis loin du bord de la mer, les dunes de sable, mon petit coin de terre, le temps perdu au bout d'un quai à regarder les heures passer. Je suis loin de ma famille, mon père, ma mère, leurs beaux sourires. J'ai laissé mon cœur à l'ancrage, je le reprendrai au passage. Les îles me manquent tout autant, de revoir un coucher de soleil, d'entendre siffler par tous les vents, une douce musique à mes oreilles, marcher les soirs au clair de lune, sous une pluie d'étoiles filant, goûter l'air salin dans la brume, me laisser bercer par mes sens. Je suis loin du bord de la mer, les dunes de sable, mon petit coin de terre, le temps perdu au bout d'un quai à regarder les heures passer. Je suis loin de ma famille, mon père, ma mère, leur bon sourire. J'ai laissé mon cœur à l'ancrage, je le reprendrai au. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nulle, je deviendrai toute pâle, toute muette, sans vie, pour que tu m'oublies. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures. Je deviendrai tout fou, tout clown, gentil, pour que tu souris. Je veux que t'aies jamais mal, que t'aies jamais froid. Et tout m'est égal, tout à part toi. Je t'aime. Fais-moi une place dans ton avenir, pour que je ressasse loin mes souvenirs. J'aurai jamais mon air éteint, hautain, pour que tu sois bien. Fais-moi une place dans tes urgences, dans tes audaces, dans ta confiance. Je serai jamais distante, distraite, cruelle, pour que t'aies des ailes. Je veux pas que tu t'ennuies, je veux pas que t'aies peur. Je voudrais que tu oublies le goût du malheur. Je t'aime. Une petite place ici maintenant, car le temps passe à pas de géant. Je me ferai toute neuve, toute belle, tout ça pour être à toi. Valérie, la chanson de Julien Clerc chantée par deux jolies voix féminines, c'est quand même c'est une très belle classe. Version également. Hein, c'est très classe. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Arc-en-ciel, il est 16h. C'est la musique en partage avec Valérie jusqu'à 17h. Vous êtes les bienvenus à bord. Vous savez, hein, vous pouvez nous écouter et bien avec le 96.2, mais également via le site radio-arc-en-ciel.fr. Alors surtout, n'hésitez pas, car c'est encore plus facile de nous écouter si vous habitez très très loin d'Orléans. Alors en deuxième heure, on va continuer avec de très très belles chansons, chansons françaises en particulier. Mais là, on va commencer une petite séquence hommage. Alors on va commencer avec Michel Delpech. Oui, 4 ans déjà hein, que Michel a rejoint les étoiles. Alors nous l'oublions pas jamais sur Arc-en-Ciel, car cet artiste avait vraiment un très grand cœur. Et comme il le chantait si bien, la vie est un joli combat. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Alors si ça vous dit quelque chose, c'est vous que j'allais commencer. Alors attention, vous me suivez. Ça fait... Sur la vie, c'est un joli combat. Oh la vie, la vie, la vie, la vie. Si belle soit la vie, c'est une corrida. Mais la vie, la vie, la vie. moche sur la vie, c'est du faux cinéma. Je fais ma route, tu fais ta route, chacun de son côté. Je fais ma guerre, tu fais ta guerre, chacun de son côté. Je te ressemble, tu me ressembles, nous resterons toujours ensemble. Cela me semble l'unique vérité. La vie, la vie, la vie, si belle soit la vie, c'est une tombola. La vie, la vie, la vie, la vie, si moche soit la vie, c'est un joli combat. La vie, la vie, la vie, la vie, si belle soit la vie, c'est une corrida. La vie, la vie, la vie, la vie, si moche soit la vie, c'est le faux cinéma. Moi je fais mes rêves, je fais tes rêves, chacun de son côté. Je fais ma place, tu fais ta place, chacun de son côté. Je veux te plaire, tu veux me plaire, de nos 20 ans à nos poussières. C'est la prière, l'unique vérité. La vie, la vie, la vie, la vie, belle soit la vie, c'est une tombola. La vie, la vie, la vie, la vie, si moche soit la vie, c'est un joli combat. Oh la vie, la vie, la vie, la vie. Et la vie, la vie, la vie, la vie, si moche soit la vie, c'est un joli combat. Oh la vie, la vie, la vie, la vie. Mais la vie, la vie, la vie, si moche soit la vie, c'est du faux cinéma. Voilà, c'est toujours agréable de réécouter sa belle voix. Alors écoutons maintenant France Gall, hein, France Gall qui nous a quittés il y a 2 ans. Elle nous manque, elle manque à la chanson française. Donc oui, hein, la vie peut sembler parfois compliquée, mais n'oublions pas de donner. Donc c'est aussi une belle façon d'aimer, comme elle le chantait si bien avec, tu te souviens? Ben oui, certainement, Michel Berger. Celui qui est Elton John. Oh, mince. When a hand is silver lining, when no crime to make the headline news, if it's a matter for decision, you and I can be the ones to choose. Mm-hmm. Mm-hmm. Je te donne mes espoirs cachés. Donnez pour demain, la seule façon d'aimer. Oh, donnez pour donner, tu donnes. C'est la seule façon d'aimer. Valérie, de nous donner comme ça l'occasion de réécouter une jolie chanson et de remettre les pendules à l'heure, parce qu'effectivement, c'est bien Elton John. Avec plaisir, en tous les cas, c'est donner avec le cœur. Ah, absolument. Alors écoute, pour commencer cette deuxième heure avec les petites chansons québécoises, je te propose deux jolies ballades country. La première, c'est Jamie qui l'a chantée, qui a composé paroles et musique. La seconde, eh bien, c'est Claude Léveillé. Claude Léveillé et Jamie sont tous les deux Québécois, et cela s'entend. Ils ont une pointe d'accent qui nous ravit. Mon coin de pays, ma patrie, mon... Cet océan virtuel de messages équivoques en tweet et en courriel. C'est une marée noire de monde qui veut se matcher. Moi je bénis le soir où je l'ai rencontré. Pour être sur la même longueur d'onde, on n'a pas besoin de cavarder, moi et puis ma blonde. Même quand je suis au bout du monde, est dans mes bras pour me répondre. C'est plein de bons sentiments qui savent plus à quoi s'accrocher, tout comme des cerfs-volants qui ont perdu le fil de leurs idées. C'est plein de fenêtres ouvertes sur un ciel de nuages. Moi, dans mon baromètre, je vois toujours son visage. Sur la même longueur d'onde, on n'a pas besoin de clavarder, moi et puis ma blonde. Même quand je suis au bout du monde, est dans mes bras pour me répondre. Un nom d'emprunt, comme s'il fallait pour boire cacher sa bière dans un sac brun. Ils lancent leur ligne à l'eau sans trop savoir ce qu'ils vont pogner. Un vieux bout d'amour en morceaux, moi chanceux, je l'ai tout entier. Pour être sur la même longueur d'onde, on n'a pas besoin de clavarder, moi et puis ma blonde. Même quand je suis au bout du monde, est dans mes bras pour me répondre. Pour être sur la même longueur d'onde, on n'a pas besoin de clavarder, moi et puis ma blonde. Même quand je suis au bout du monde, est toujours là pour me répondre. Avec Valérie, pas besoin de clavarder, on se parle directement. Oui, alors bien sûr, elle a quand même un petit pseudo, hein, c'est Valou, et puis une petite oui. image associée, ça y est, c'est tu dévoiles tout. Un petit dauphin. Hein, en effet, ceux qui me connaissent bien le savent. Voilà, il s'appelle Claude Léveillé, il chantait donc une jolie chanson sur le clavardage, inutile. Allez, bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. C'était bien sympathique, cette petite chanson. Alors, on passe à la petite séquence, un artiste à célébrer de la semaine. Et on commence tout de suite par Olivia Ruiz. Donc, elle a fêté ses 40 ans le 1er janvier dernier. Déjà ? Eh oui, oui. Normalement, son sixième album studio sort cette année. Et même un premier roman qui devrait s'appeler La commode au tiroir de couleurs. Alors, pour les fans, et je pense qu'ils sont en train de guetter tout ça. Alors en attendant, moi je vous propose, pour la célébrer, et pour lui citer vraiment un très très bel anniversaire, que nous l'écoutions dans un de ses plus grands succès, La femme chocolat. Elle est à croquer. J'ai trop mangé de chocolat. chocolat. Et oui, en parlant de chocolat, hein, je pense que toi aussi, t'en as mangé un peu trop, là. Ah, oui, mais enfin, là, c'est pour ça que je vais prendre la parole, parce que moi, je pense que t'en as encore un dans la bouche. C'est quand même toi qui es la plus gourmande. Ah, mais peut-être pas de chocolat. On fait un gros bisou à Argimiro. Hein, oui, justement. Oh, il est trop cool. L'embrasse bien fort, et puis on en profite pour embrasser tous les animateurs bien d'Arc-en-Ciel. Sûr. Alors, on poursuit avec Vincent Niclot qui vient de fêter ses 45 ans dès son plus jeune âge. Hein, Vincent est bercé dans un univers musical, son père étant un musicien émérite. C'est en 2012 qu'il connaît la consécration avec son album Opéra Rouge. Depuis, il surfe sur la vague du succès jusqu'à l'ivresse. Il faut choisir son chemin, suivre son destin jusqu'à l'ivresse. Aller cœur inassouvi, boire l'eau de vie jusqu'à l'ivresse. Aimer sans frein ni tabou. Jusqu'au bout du bout, jusqu'à l'ivresse. Partir avec un sourire, jusqu'à l'ivresse. Il faut chanter à pleine voix, une forêt d'alléluia. Diable au corps, et pire encore, jusqu'à l'ivresse. Et puis prendre tout son temps pour vivre l'instant, jusqu'à l'ivresse. Vouloir les choses qu'on a, celles qu'on n'a pas, jusqu'à l'ivresse. Tenter le chemin de gloire jusqu'à la victoire. Oui, chantons à pleine voix, vivons l'instant présent, et justement l'instant présent, eh bien c'est Pascal Wispo. Donc il fête ses 54 ans aujourd'hui même, et comme je suis sûre qu'il nous écoute, on l'embrasse bien fort et on lui souhaite un joyeux anniversaire. C'est en 1992 hein, qu'il connaît le succès avec sa chanson « Plus que tout au monde ». Il met régulièrement sa notoriété au service de nobles causes. C'est un homme de cœur et il sait plus que tout au monde que l'important, c'est d'aimer. Quand même, l'important c'est aimer. se voit. L'important c'est toujours d'être en amour. L'important c'est donner et ne rien demander. Peu importe ce qu'on laisse à tous ceux qui nous délaissent, qu'on survive ou qu'on disparaisse. C'est comme tout vouloir, mais sans s'en apercevoir. C'est comme une faiblesse pour ce qu'on aime. C'est presque une promesse d'aimer quand même. D'aimer quand même, d'aimer quand même. L'important c'est d'aimer pour tout donner. L'important c'est d'y croire sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours d'être en amour. L'important c'est donner et ne rien demander. Peu importe ce qu'on dit avec des mots décrits. Mon amour, l'important c'est donner et ne rien demander. L'important c'est d'aimer pour tout donner. L'important c'est d'y croire sans s'en apercevoir. Et oui, je pense que c'est ce que nous avons tous besoin d'être aimés. Alors nous poursuivons avec Lara Fabian. Elle fêtera ses 50 ans dès demain. C'est pour ça que nous la mettons à l'honneur d'Arc-en-Ciel aujourd'hui. En 2018, elle était coach à l'émission La Voix au Québec. Et elle sera coach cette année dans The Voice en France. C'est rigolo. Hein. Oui, pour promouvoir donc la langue française, nous on est très fort. Hein. On appelle ça The Voice. Alors je vous propose d'écouter... Non, j'avais dit je dirais rien aujourd'hui, mais bon. Vous propose d'écouter... C'est une petite pique de méchanceté. Oh, méchanceté, non, d'ironie. Alors, je vous propose d'écouter attentivement cette chanson, hein, Vivez votre vie comme un Alléluia. Jamais qu'une question de temps. À tous les noms Allez, poursuivons avec Bibi. Ben, ouais. Je suis là, Valérie. C'est de moi que tu parles. Non, non, c'est pas toi, Bibi. Ah, la jolie Bibi. Voilà, tu te souviens de Bibi? Oh, la vraie poupée. La chanteuse franco-ghanéenne. Oh, belle comme une poupée. Vraiment. Ah, mais non, je remarque que tu n'es pas insensible à son charme. En quelle année c'était cette affaire? Tu te rappelles? Eh bien, en 85. Ah, ben oui, voilà. Bah donc, oui. Elle fêtera demain ses 63 ans. C'est pour ça que nous la mettons à l'honneur aujourd'hui. Tu as bien raison. Et comme je te le disais, donc à 85, elle connaît un énorme succès avec son titre « Tout doucement ». Tu t'en souviens? Ah bah oui. Ou tu te souviens que de Bibi? Je me souviens de la chanson, mais Bibi, il l'interprétait magnifiquement. Elle était vraiment très agréable à regarder. C'était une jolie fille pétillante. C'était vraiment super. Alors, c'est donc tout simplement que je vous propose ce titre aujourd'hui. Ça va nous faire du bien. Tout doucement, envie de changer l'atmosphère d'attitude. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Tout simplement. Arrêtez les minutes supplémentaires qui font de ma vie un enfer. Je l'aime encore, mais plus vraiment. Tout doucement, sorti de ses draps et de son cœur. Tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il pleure. Tout simplement, changer de peau. Et toutes les avant, fermer les yeux, se sentir de nouveau autrement. Du temps qui passe, presque en silence quand on debut en serre. C'est pas vraiment la solitude, mais c'est la certitude d'un sentiment indépendant de son attitude. Son cœur dans sa tête, change tout vraiment. Choisis un nouveau livre d'images. Tout doucement, prêt à apprendre à aimer passionnément. Tout simplement, une autre histoire dans un monde différent. Tout simplement, fermer pour pas des sentiments différents. Reviendrait peut-être un jour, un mois, un an, dans son cœur. Allez, Jean-Pierre, tu peux atterrir. Oui, bien sûr. Là, on va... 85, tu te rends compte. Oh. 35 balais. Ben oui, j'étais à peine née. Hein, à l'époque, on avait des additifs dans le sang, mais des additifs naturels. On pétillait. Et puis tous ces chanteurs et chanteuses de cette trempe nous manquent. On les écoute pas assez. Donc c'est pour ça qu'on les diffuse, ça fait plaisir, nous. Hein, voilà, grâce à la musique en partage, grâce à Valérie, chaque semaine, entre 15h et 17h, sur la radio Arc-en-Ciel. Alors, on va finir cette petite séquence avec Elvis Presley. Alors, bien sûr, vous allez me dire, bah ouais, on va fêter son anniversaire. Bah oui, en effet. Car je tenais à lui rendre hommage, car il aurait eu 85 ans aujourd'hui même. Alors, on pense à lui, et si tout à l'heure on parlait de The Voice, alors s'il y a quelqu'un qu'on peut vraiment aussi... je cherche mes mots. Mais en tout cas, comparé à The Voice, bien c'est lui. Donc, il a commencé sa carrière en 1954. Il a contribué à populariser le rockabilly, hein, un mélange de musique country, de rhythm and blues. Mm-hmm. Donc, Elvis est l'artiste le plus vendu, hein, au monde. Alors, je vous propose d'écouter un de ses plus grands succès, Suspicious Mind. Très joli. peut réécouter Elvis. Tu te rends compte, hein, cette voix-là, elle nous manque. Elle heureusement manque. Qu'on peut la réécouter, absolument. Mais c'était vraiment une très très belle voix. Ah, c'était un grand artiste. Alors, des belles voix aussi, on en a beaucoup au Québec. Ah, on en a aussi pas mal. Et on va terminer d'ailleurs la sélection québécoise pour ce premier rendez-vous de janvier avec Maziad, Stéphane de son prénom, Stéphane Maziad. Passionné de musique, bien sûr, et aussi de navigation. Imagine-toi que son papa, qui conduisait un bateau de sauvetage sur le Saint-Laurent, l'emmenait sur son bateau quand il était mousse, quand il était gamin, et c'était son moussaillon. Et crois-moi, ça doit forger le caractère, parce que avec les paquets d'eau froide qui arrivent sur le pont, ça devait être quelque chose. C'est sûr. Alors, chanson aussi pour Maziad, « J'irai où elle va », c'est le titre qu'il nous propose, sorti de son album à venir. Et puis on clôturera avec Wesley. Wesley est un Haïtien d'origine, auteur, compositeur, interprète, qui a choisi, voici une vingtaine d'années, le Québec comme terre d'accueil. Son titre, « Le soleil descend », respire la joie de vivre et amènera, à n'en pas douter, un peu de chaleur dans les pub de Montréal et sur le carnaval de glace de Québec. J'irai où elle va, elle va. Sur moi, sur mon sommeil, toujours à l'abri, plus jamais froid. Elle a touché une fois le ciel, elle est revenue deux fois plus belle. Depuis, je navigue dans son sillage, loin de tout, loin des naufrages. J'irai où elle va. J'irai où elle va, elle va, où elle va. J'irai où elle va, elle va, où elle va. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Le soleil descend. Et oui, mais alors, puisqu'il est descendu, eh bien, ça veut dire qu'on va bientôt se quitter. Ah là là. Et juste avant, eh bien, c'était Maziad, J'irai où elle va. En tous les cas, merci, c'est une belle sélection. Alors, Valérie. Alors, nous allons finir notre première émission de l'année avec Louis Chédid et ses enfants. Alors, je tenais beaucoup à diffuser cette chanson, car en effet, on ne dit pas assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Alors, Jean-Pierre, merci pour tout ce que tu apportes à cette émission, de gérer également toute la technique. Sans toi, je ne pourrais animer l'émission de cette façon. Chantal et toi, je vous aime très fort. Et vous qui nous écoutez... Eh bien, je vous envoie de tendres bisous. Merci de nous écouter toujours aussi nombreux chaque semaine. Prenez soin de vous. À très bientôt. Là, on se quitte, mais c'est La vie comme elle va qui prend ma place. Et moi, je te souhaite une belle année de radio. Merci. Ses parents, ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec lesquels on dort, on dîne, on parle au téléphone. Souvent quand nos regards se croisent,

sur l'embrouille.